Chapitre 13e. Comment je devins académicien. L'année scolaire approchait de son terme. C'était pour nous, élèves de philosophie, la dernière année de collège. Dans les bons esprits, à la joie de devenir enfin libre, se joignait la mélancolie de perdre d'anciennes habitudes. Maxime Denis, excellent dans les vers latins et d'un naturel affectueux, nous dit un jour sous les acacias, pendant la récréation de midi, « Nous allons bientôt entrer dans le vaste monde et nous disperser pour suivre chacun notre carrière. Nous avons formé au collège des amitiés qu'il ne faut pas perdre. Les amitiés de jeunesse doivent durer toute la vie. Les laisser à la porte du collège en le quittant sans retour, ce serait y laisser notre bien le plus précieux. Nous ne ferons pas cette faute. Dès le collège, immédiatement, nous allons créer un centre où nous puissions nous retrouver. Que pourra être ce centre, un club, un cercle, une société ? Une académie, camarades, vous en déciderez. » Cette proposition fut bien accueillie. On la discuta tout de suite et l'on ne tarda pas à reconnaître que la fondation d'une société, d'un cercle, d'un club, exigerait des fonds considérables, un travail d'organisation énorme et la connaissance de la loi, toute chose que des rhétoriciens et des philosophes ne pouvaient fournir. Fontanet se chargeait, il est vrai, d'organiser en 3 mois un cercle de premier ordre, mais ces offres séduisantes furent repoussées. Nous nous prononçâmes en grande majorité pour une académie, sans bien savoir ce que ce pourrait être, mais le mot nous flattait. Après une longue et confuse discussion, Isambard, élève de philosophie, nous invita à rédiger des statuts. On l'approuva, mais la tâche parut ingrate et personne ne l'assuma. L'on crut avoir assez fait en décidant que les académiciens se choisiraient entre eux parmi les rhétoriciens et les philosophes, et que les séances, qui auraient lieu à des intervalles irréguliers, seraient consacrées à des lectures et à des conférences agréables, mais sérieuses. Nous élûmes 20 académiciens en nous réservant d'augmenter ce nombre s'il en était besoin. Il me serait difficile de retrouver les noms de ces 20. N'en soyez pas surpris, car il est, dit-on, par le monde, une académie célèbre dont personne n'est capable de nommer les 40 titulaires. Nous étions pressés de donner un vocable à notre académie. On proposa successivement Académie des Amis, Académie Molière, et l'on jouerait la comédie, Académie Fénelon, Académie de Rhétorique et de Philosophie, Académie Chateaubriand. Fontanet parla d'un ton pénétré. « Camarade, un homme doué du génie de la parole a, pendant une longue existence, servi la cause des vaincus. Honorons ce bel exemple et plaçons notre académie sous l'invocation de Berryer. » Cette opinion fut accueillie par des moqueries et des huées. Non qu'un grand avocat nous parût indigne d'honneur, mais on se souvenait que Fontanet, qui se destinait au barreau, se promettait avec outrecuidance d'y remplacer Berryer. Maxime Denis cria « Donnons tout de suite à notre académie le nom de Fontanet. » La voix de la Laboriette partit comme un coup de fusil. « Je propose Académie française. » Un grand éclat de rire lui répondit. Il ne comprit pas et se fâcha, car il était d'humeur violente. La Bertelière, qui avait de l'autorité, dit d'une voix ferme « Si vous m'en croyez, vous me mettrez sous le vocable de Blaise Pascal. » Cette proposition fut adoptée à l'unanimité avec enthousiasme. Notre académie avait un nom. Nous nous avisâmes qu'elle n'avait pas de domicile. Le rustique Chazal nous offrit, pour y tenir nos séances, le grenier d'un marchand de fourrage de la rue du Regard. « Nous y serons très bien, dit-il, mais il ne faudra pas allumer de lumière, de peur d'incendie. » Ce gîte, plus désirable pour des rats que pour des académiciens, ne plut pas. Fontanet fut d'avis qu'on se réunît dans ma chambre, qu'il déclara spacieuse, aérée et située sur le plus beau quai de Paris. Effrayé d'avoir allogé une académie, je jurai que ce qu'il appelait ma chambre n'était qu'un méchant cabinet de toilette où l'on ne pouvait se retourner. Mouron offrit un atelier de dentelle, Isambard une arrière-boutique de librairie, Sauvigny l'appartement de son oncle Maurice. Il ne leur restait plus qu'à s'assurer si ces différents locaux étaient disponibles. Le lendemain, l'appartement de l'oncle Maurice, l'arrière-boutique de librairie et l'atelier de dentelle avaient disparu par enchantement. Il s'était évanoui comme le palais d'Aladin sous la baguette du méchant enchanteur. Nous désespérions de trouver un logis, quand Sauvigny se fit fort de nous obtenir la chambre de Tristan Deret. Tristan Déret était ce camarade que j'avais aimé passionnément pendant 3 mois pour son élégance et avec qui je m'étais brouillé parce qu'il ne m'avait pas pris dans son camp un jour qu'il jouait au ballon. Sa chambre, au second étage d'un vieil hôtel de la rue Saint-Dominique, était séparée de l'appartement de sa famille par un long corridor. Sauvigny, qui avait vu cette chambre, la disait superbe. Déret, engagé à cette heure dans une partie de bar, semblait inabordable, mais Sauvigny osa lui parler. Si Déret était autant dire Saint-Cyrien, Sauvigny appartenait presque à l'équipage du Borda. Les paroles qui s'échangèrent en cette occasion entre la jeune armée et le jeune marine n'ont pas été conservées. Mais Sauvigny, haut comme une botte et fier comme Artaban, vint nous annoncer que Déret se fichait de l'Académie Blaise Pascal, mais prêterait volontiers sa chambre aux académiciens. Dès que cette réponse nous fut connue, Sauvigny fut chargé d'exprimer à Déret les remerciements de l'Académie. Je refusais d'y joindre les miens. Je ne pardonnais pas à Déret de l'avoir trop aimé. J'eus le mauvais goût de demander qu'il fût tenu en dehors de notre Académie. Mes confrères me répondirent tous d'une seule voix qu'il n'était pas possible de mettre hors de notre Académie celui qui la logeait. Je prophétisais que de notre installation dans la rue Saint-Dominique viendrait la ruine d'une si belle institution. Et cette prophétie m'était inspirée par une connaissance profonde du caractère de mon ami d'un jour. On dressa la liste des membres de l'Académie et l'on inscrivit en tête le nom de Tristan Déret. Nouflard et Fontanet furent désignés pour acheter, dès le premier jour de congé, un buste de Blaise Pascal destiné à orner notre salle des séances. Mouron fut nommé président. On décida que je prononcerais le discours d'ouverture. Ce choix flatteur caressa doucement la vanité de mon cœur et me fit trouver à la gloire des délices qu'il ne devait plus me faire goûter depuis. Je ne touchais plus la terre. Je me mis dès le soir même à composer ma harangue sur un ton sérieux mais plein d'agrément. J'y mis des beautés, j'en remis les jours suivants. J'en devais ajouter jusqu'à la dernière minute. Jamais morceau n'en fut à ce point chargé. Je n'y laissais rien à l'abandon, rien à la facilité, ni à l'aisance, rien à la simple nature, tout y était ornement. Au jour fixé, les deux délégués trouvèrent chez un modeleur de la rue Racine un buste de Blaise Pascal en plâtre, plus grand que nature, d'expression méditative et d'aspect lugubre, qu'ils firent envoyer à M. Tristan Déret, rue Saint-Dominique. L'esprit de notre institution s'annonçait grave, austère et même un peu sombre. Le soir fixé pour l'inauguration, il pleuvait à torrents, les ruisseaux débordés envahissaient les chaussées et les trottoirs, l'eau des égouts refluait dans les rues. Sous un vent furieux, les parapluies se retournaient. Il faisait si noir qu'on ne savait où poser le pied. Je pressais de mes deux mains mon discours sur ma poitrine pour le sauver du déluge. Enfin, j'atteignis la rue Saint-Dominique. Au second étage, un vieux domestique m'ouvrit la porte et me dirigea en silence sur un long corridor sombre, au bout duquel je trouvais le siège de l'Académie. Il n'était venu encore que 3 académiciens. Mais plus nombreux, où auraient-ils siégé? Il n'y avait dans la chambre que 2 chaises et un lit sur lequel Sauvigny et Chazal avaient pris place à côté de Déret, notre hôte. On voyait sur la haute armoire à glace le buste de Pascal, seul monument qui parlât à l'âme dans cette pièce, garnie sur tous les murs de fleurets d'épées et de fusils de chasse. Déret m'interpella d'un ton maussade et me montrant le buste. « Si tu crois que c'est rigolo quand on se met au lit d'être surplombé par cette tête d'abruti. » En 3 quarts d'heure, il arriva 2 académiciens, puis 1, Isambard, Denis et Fontanet, et l'opinion générale fut qu'il n'en viendrait plus. « Et Mouron, notre président !» m'écriai-je avec l'émoi d'un orateur qui voit son auditoire réduit à peu de choses. « Es-tu fou ?» répliqua Isambard. « Tu veux qu'on lâche dans les rues, sous cette pluie, dans ce vent, Mouron qui est poitrinaire? Ce serait le tuer !» N'attendant plus un président qui me donnât la parole, je me décidai à la prendre moi-même et commençai la lecture de mon discours, que je savais beau, sans me dissimuler toutefois, qu'il n'était peut-être pas tout à fait dans le ton qui convenait aux circonstances. Je lus « Messieurs les académiciens et chers camarades, c'est un grand honneur pour moi d'être appelé à exposer les intentions qui vous ont guidé quand vous avez fondé cette académie littéraire et philosophique placée sous l'invocation du grand Pascal, dont l'image nous sourit. 2 intentions, s'échappant comme 2 fleuves féconds de vos cœurs et de vos esprits, ont jailli. » À cet endroit, Déret, qui avait salué le début de mon discours d'applaudissements ironiques, me dit proprement Ah ça, Nozière, tu ne vas pas nous raser longtemps comme ça. » Quelques protestations s'élevèrent en ma faveur, mais combien je les trouvais faibles. Elles firent peu d'impression sur des raies qui continuèrent à m'apostropher. « Range ton laïus et ferme ton bec, d'ailleurs voilà le thé qui s'amène. » En effet, une vieille femme de charge entra en portant un plateau qu'elle posa sur la table. Quand elle se fit retirer, des raies dit avec une moue dédaigneuse « C'est un thé envoyé par la famille. » Puis elle rit malicieusement « J'ai mieux. » Et tirant de l'armoire une bouteille de rhum, il annonça qu'il allait faire un punch et que n'ayant pas de bol, il le ferait dans sa cuvette. Il fit comme il avait dit, mit le rhum et le sucre dans la cuvette et après avoir éteint la lampe, fit flamber le punch. Je jugeai alors qu'il fallait renoncer à lire mon discours dont personne ne réclamait la suite, ce qui me causait une mortification cruelle. Autour du punch, les académiciens dansaient en se tenant par les mains, et dans la ronde, Fontanet et Sauvigny, pareils à deux nains diaboliques, effrayés par leur frénésie. Tout à coup, une voix s'écria « Le buste ! Le buste !» Sur son armoire, éclairé par la flamme livide, le buste était vert. Il était affreux et terrible. Il avait l'air d'un mort qui sort de son tombeau. On ralluma la lampe et nous bûmes le punch à pleine tasse. Déret, tranquille et calme, décrocha des fleurets et demanda qui voulait faire un assaut avec lui. « Moi !» cria Chazal. N'ayant jamais tenu un fleuret, il attaqua avec furie en poussant des hurlements et toucha rudement Déret, qu'il appela brut, sauvage, animal féroce. Mais ce garçon lui plaisait. Il le défia de soulever une chaise à bras tendus par le haut du dossier et de la maintenir horizontale pendant une minute. Chazal tint le pari et le gagna. Déret en conçut de l'estime pour lui. Ils aimaient tous deux à montrer leur force. « Luttons, » dit Déret. « Je veux bien, » répondit Chazal. Ils se mirent tous deux nus jusqu'à la ceinture et se prirent à bras-le-corps. Chazal, osseux et noir, taillé à la serpe, présentait un contraste parfait avec Déret, fait comme un athlète de Miron ou comme un fellow de Cambridge ou d'Eton. Celui-ci, toujours de sang-froid, gardait une correction parfaite, tandis que le bon Chazal, ignorant des usages, se livrait sans défiance aux ruses de l'adversaire, portait en toute innocence des coups qui n'étaient pas permis. C'est ainsi qu'il prit avec les deux mains Déret par la tête et le fit pirouetter malgré ses protestations indignées. « Tu es disqualifié !» lui criait Déret. « Le coup de collier est une félonie !»« Possible !» répliqua avec un sourire ingénu le rustique Chazal. « Mais c'est toi le vaincu !» Déret versait immodérément du punch. Il prit des cartes et se mit à jouer à l'écarté avec Sauvigny. Cependant, en proie à un délire soudain, les académiciens outrageaient ce même Pascal que naguère ils avaient pris pour patron. Ils insultaient son buste. Fontanet lançait à ce buste les bottines qu'il avait trouvées dans un placard. Déret, tout en jouant aux cartes où il perdait gros, s'en aperçut, prit à Fontanet de laisser ses chaussures tranquilles et lui dit « Quant au buste, tu me feras plaisir si tu m'en débarrasses. » L'endiablé Fontanet ne se le fit pas dire deux fois. Il monta sur une chaise et tirant Blaise Pascal par la base qu'il pouvait seul atteindre, le fit tomber sur le plancher, où il se brisa en morceaux avec un bruit horrible. L'académie poussa des hurrahs en l'honneur de l'iconoclaste. Le tumulte et le désordre étaient à leur comble quand la femme de charge, qui avait apporté le plateau, parut de nouveau dans la chambre et dit à son jeune maître « Votre père vous invite à congédier immédiatement vos amis qui font un bruit intolérable après minuit. » Déret, malgré son audace, ne protesta pas contre cette injonction et son silence nous troubla. Nous partîmes, sans demander notre reste, et gagnâmes la rue où nous retrouvâmes le vent et la pluie. Jamais l'Académie Blaise Pascal ne se réunit plus.